Alors, c'est Daniel Kapp, pour titre Les lois de la conscientisation. Un tapis volant, c'est mieux d'être un tapis volant. Donc, la conscientisation, je le répète, c'est comme quand tu tombes dans un trou, qu'il n'y a pas de fond. Ça fait pas mal. Non, il n'y a pas de fond. Ça sert à quelque chose de tomber d'un trou. Oui. On peut être heureux, moi, pendant qu'on tombe. Albert Einstein dirait, si tu tombes dans un trou qu'il n'y a pas de fond, tu ne tombes pas. Mais est-ce que ça, c'est l'impression, est-ce que c'est ce qui se passe ou c'est l'impression que l'on... la crainte... on s'en fout. Non, mais ce que je veux savoir, est-ce que c'est la crainte que l'humain a de tomber dans le vide ou c'est vraiment... C'est parce que l'ego, il ne se reconnaîtra pas, lui, là-dedans. Non, ce qui arrive simplement, c'est que de l'évolution à la conscientisation, il y a une transformation qui doit s'opérer à travers l'humain. C'est-à-dire que la personne doit finir par trancher entre ce qu'elle sait qu'elle doit faire de ce qu'elle fait. Quelqu'un, par exemple, qui mange des choses sucrées sans arrêt, tu ne vas pas lui dire que c'est mauvais pour sa santé. Ça ne te regarde pas. Quelqu'un qui veut cesser de manger des choses sucrées, là, c'est deux fois plus mauvais pour sa santé. Ils attaquent sa psychologie parce que c'est sans arrêt plus son corps physique. Et là, peut-être que tu peux l'aider à cesser de... La conscientisation, c'est que c'est pas un phénomène, là, zénois. C'est pas quelqu'un qui est pas pays, mais c'est ceux qui font du zen. C'est pas un état psychologique où vous flottez, où vous êtes embrouillé d'enthousiasme et vous en allez comme ça dans la vie. C'est loin de ça. La conscientisation, elle apparaît quand l'humain prend conscience. Sauf qu'au début, c'est déconscientisé, c'est-à-dire que tu conscientises des mécaniques. Tu conscientises, par exemple, l'absurdité de travailler dans un emploi que tu n'aimes pas et qui te rend malheureux ou malheureux. Consciente. Mais tu veux changer d'emploi, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que les conditions économiques ne peuvent pas. C'est faux. Ça, c'est la raison qu'on va accepter. Tu ne peux pas parce que... t'es trop âgé pour te refaire une carrière. C'est faux aussi. Mais c'est une raison que tu peux accepter pour finalement camoufler, masquer le fait qu'il y a toute une mécanique dans l'humain qui l'empêche de changer. C'est simple. Mais là, la prise de conscience, par exemple, la personne qui est au travail, puis là, subitement, se rend compte qu'elle est malheureuse au travail. Elle n'est pas malheureuse. Juste là, non, c'est qu'elle a toujours été malheureuse avant, et puis là, elle se rend compte que ça fait 5 ans qu'elle est malheureuse, elle est pas heureuse. Exactement. Mais là, elle ne devient pas malheureuse là. Elle va devenir plus irritée, Plus écœurée. Mais la prise de conscience va la fouetter encore plus que la semaine d'avant, par exemple. Oui, parce que là, elle devient écœurée, frustrée, irritée. Mais effectivement, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'elle n'est pas heureuse, et subitement, elle en prend conscience. Et voilà. Mais ça se peut aussi qu'elle a été bien heureuse pendant 20 ans. Oui, mais si elle en prend conscience, ça fait un bout de temps qu'elle est malheureuse. Parce que sinon, tu prendrais conscience que tu es heureux depuis 20 ans. Ça ne faut pas que tu prennes conscience que tu es heureux. Ben. Mais non, moi, je n'ai rien contre, mais c'est illégal. Mais par exemple, apprécier, parce que ça peut être positif aussi. Même apprécier sur la planète, c'est relativement illégal. Les jeunes ont de la difficulté à apprécier. Mais c'est une prise de conscience. Effectivement, quand tu apprécies. Je dis souvent à certains enfants d'apprécier l'intelligence de leurs parents, d'être capable d'apprécier. Puis eux, tu sais, deux humains qui s'occupent de toi, qui te nourrissent, qui te lavent, qui te savonnent, qui t'amènent à l'hôpital, qui t'inscrivent à l'école, qui te poussent, qui t'encouragent, qui te ramènent, qui te tolèrent à la maison, qui tolèrent que tu casses leur affaire, que tu uses au tapis, que tu les envoies promener. Tu devrais quelque part apprécier ça. Parce que c'est des bijoux. C'est très précieux. Ils t'aiment en plus. C'est précieux. Bien, l'enfant, souvent, parce qu'on ne développe pas la conscience, ni chez les enfants, ni chez les adultes. Mais effectivement, quelque part, un parent qui se conscientise, qui est parent, il se dit « Tabarnouche, j'en veux plus d'enfants! » Ça coûte les yeux de la tête. Ça ne te dit jamais merci. Ça se promène les études. Ça sert à quoi, un enfant? Ça mange, ça laisse la vaisselle-là. Tu sais, ça sert à quoi l'école appelle? C'est l'assureur qui appelle pour la vitre qui est cassée là-bas. Ça sert à quoi un enfant? Bon, vous y minouchez la tête un peu de temps en temps. Mais franchement, tu sais, non, mais si on calcule d'un bord puis calcule de l'autre. Chance que nos parents ne se sont pas posés la question. Mais non. J'en parle maintenant que je suis adulte. Quand j'étais jeune, je n'aurais jamais parlé de ça à mes parents. Mais moi, j'étais rentable. Je peinturais, oui, j'allais danser. Moi, j'étais rentable. C'était pas pire. Il y a beaucoup de pays moins conscients que l'enfant est une créature rentable. Ça permet la richesse. Là, plusieurs années au Québec, quand tu tuais un enfant de 2 ans descendant, tu avais une peine d'emprisonnement. De 2 ans à 14 ans, c'était plus grave. Puis 14 ans en montant, c'était peine capitale ou prison à vie. Parce que à partir de 14 ans, l'enfant est essentiellement considéré comme étant rentable pour la famille. Alors là, ça devenait grave de le tuer. Parce que c'était un outil pour les cultivateurs. Bien, c'est sûr. Alors qu'aujourd'hui, l'enfant qui a des parents qui le tolèrent et qui, voyons donc, il devrait apprécier. Comme tu vas à l'école, tu devrais apprécier. Oui, mais j'aime pas l'école. C'est pas ça la question. Va dans un pays qui n'en a pas d'école, là. Va vivre dans la rue un petit peu, là. Reviens après, t'as un gymnase, une bibliothèque, t'as souvent une piscine, t'as des adultes qui veulent s'occuper de toi. T'aimes pas tout, on comprend. Mais il y a à apprécier. Il y a énormément d'aliments énergétiques pour être heureux si tu appliques les lois de la conscience. Il faut que l'enfant soit conscient, comme tu disais, ou il y a un de trois. Disons, comme tu disais, mais collectivise, là. Mais avant d'apprécier la conscience, t'apprécies pas la conscience. Quand t'es conscient, là, après ça, quand t'es conscient, t'as le choix. L'anticonscience, les lois d'évolution, va faire en sorte que quand vous êtes conscient, on vient vous dire tout de suite, tu vois là, si t'arrives, tu le vois là, ben mange du chocolat. T'sais? Parce que t'es conscient de la misère. Mais c'est ça, t'es content là? T'sais, c'est ça la conscientisation. Veux-tu te conscientiser là? Conscientise-toi. T'as souffert. Il y a un homme un jour qui m'a rencontré, venir me dire que mes conférences avaient rendu sa femme folle. Mais je dis, écoutez, pas mes conférences. Elle dit oui. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Elle était à l'hôpital. Non, c'est pas ça. Avant, elle avait la vaisselle, elle me faisait à souper, etc. Là, maintenant, elle veut plus rien savoir. Elle m'envoie promener. Tu sais, là, elle est folle. Tu sais, elle n'est pas folle. Vous l'as-tu fait réparer? j'ai suggéré des choses du genre. Tu sais, elle voulait fait la réparer. Elle n'est pas folle. La respectez-vous. Écoute, toi, là. Puis là, ça y allait par là. Et sa femme, elle avait juste pris conscience. Puis j'ai pas dit sa femme. Jamais moi dire à une femme, regarde si ton mari est correct ou regarde si ta femme est correcte. Ça me regarde pas. Moi, je parle. J'ai une grande gueule. Je parle. J'ai tout. Et sa femme, subitement, a pris conscience que son mari la respectait pas. C'était un objet. Bon. Elle avait été donnée en mariage. Puis là, subitement, elle s'est rendu compte qu'au mariage, le prêtre a dit, au marié, vous pouvez embrasser la mariée. Il n'a jamais dit à la fille, pas embrasser le gars. Il a posé la question avant, qui donne cette femme en mariage? Et pas qui donne le gars en mariage. C'est l'objet. Elle a pris conscience. C'est pas venu folle. Mais les lois de l'évolution vont tout faire pour que quand tu mets un pied sur le tapis, tu te casses le nez, qu'on puisse te dire, tu vois la cage? Tu voulais voir plus clair? Tu vois plus clair. Mais maintenant, tu manges des claques de ton mari? Tu n'en mangeais pas avant, hein? Et ça? Mais tu conscientiser? Conscience des souhaits. Tu as payé le prix. Temporairement, c'est la meilleure police. Mais c'est la police. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Elle est en train de s'émanciper. C'est sûr que quand des esclaves découvrent qu'ils sont esclaves, ils veulent se pousser. Là, on les pend. Là, on les crucifie. Là, on les brûle. C'est bien mieux qu'il reste esclave. Écoutez, soyez esclave. C'est bien mieux que pendu, crucifié. Oui, mais 200 ans après, ils sont mauditement mieux, les esclaves et leurs descendants, que leurs parents l'étaient lorsqu'ils étaient esclaves. Il y a toujours une période de transition qui est problématique. Il y a tout un paquet de structures pour empêcher la personne. Tu veux fumer, t'aimes fumer, ça ne me regarde pas. Dans mon automobile, tu ne fumes pas. Je suis dans ton automobile, je me la ferme. Je suis là, le nez fermé, la bouche en main. Tu viens chez moi, tu ne fumes pas, je vais chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu veux cesser de fumer. Et tu me le dis. Ça m'envoie sous le dos. Mais tu parles de période parce que je suis ton ami. Tes enfants, ça s'envoie sous le dos. Ça va, les personnes qui sont correctes, ça s'envoie sous le dos. Ça va, les fumeurs sous le dos. Pour que tu continues à fumer. Alors, les non-fumeurs sous le dos, c'est le prix de la conscientisation tant que tu n'appliques pas les lois de la conscientisation. Bon, ben, c'est quoi les lois de la conscientisation? La première loi, c'est tout ce qui est simple n'est pas compliqué. C'est la première loi de la conscientisation. C'est sérieux! Là, vous allez dire, ouais, mais on ne comprend pas. C'est sûr qu'on est dans l'évolution. C'est complètement l'inverse d'une loi européenne. Pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué? Ben, c'est ça. Pourquoi faire ça facile quand on peut faire ça difficile? C'est des lois humaines, ça. Mais avant de passer à ce que c'est la conscientisation... C'est trop simple, celle-là. Quand une personne évolue, puis elle s'en tient à rester sur le tapis roulant, elle va être dans un certain état de non-malheur, ou de, elle ne sera pas heureuse, mais c'est pas si pire, c'est tolérable. Bon, OK, c'est tolérable, c'est ça. L'harmonie. Puis tu t'adaptes, puis finalement, c'est pas si pire. Les nerfs se forcent à pousser, et à un moment donné, ils tombent, tu sais. Ah, mais l'harmonie, c'est... C'est trop. Alors, t'as cet état-là d'évolutif, puis là, l'état de conscientisation où t'es dans un gouffre sans fond, puis finalement, il n'y a pas de problème. Mais le entre les deux, c'est de passer, comme tu faisais dans ton geste, du tapis, il faut que tu passes vite du tapis. C'est la période transitoire, c'est là qu'il y a le problème. Là. Tu sais, le problème majeur pour un humain, c'est pas Daniel Kim ou des gens comme moi, c'est d'autres bizarreries humaines, c'est que quelqu'un va dire, oui, mais pourquoi, si on est relativement bien quand on se conscientise pas, quand on prend pas confiance, y a-t-il des gens comme moi qui viennent conscientiser le monde, finalement pour les torturer? Mais c'est faux, parce que vous êtes venus ici. On a une barrière psychologique qui est 20$. Il faut être assoiffé quelque part, payer 20$, mais écouter. Bon. Donc, vous rentrez. Et après, on parle. Ça veut dire qu'au départ, je ne suis pas source de conscientisation. Ça veut dire que là, nous sommes entre gens qui sommes pognés avec la conscientisation. Ce qui est bien différent. Tu sais, tu voyages dans les pays sous-développés, j'ai voyagé souvent, puis je disais souvent à ceux qui voyageaient avec moi, dérange pas là. Tu sais, dérange pas. Il a faim, laisse-le avoir faim. Parce que si tu le nourris, quand tu vas t'en aller, il sera plus capable de jeûner. Là, il va être doublement malheureux. Bon, donne-lui pas une lampe de poche en cadeau, donne-toi peut-être une chaîne dangereuse. Quand les piles vont être finies, il va être malheureux comme il n'aura jamais été malheureux. C'est la même chose avec l'humain. Tu vas pas conscientiser le monde. Le problème que l'humain a, le problème que j'ai eu de l'âge de l'âge, le problème qu'on a tous, puis que tous les humains vont avoir à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, veut pas, subitement, paf, il y a une conscientisation qui se fait. Mais est-ce que ça tu disais tout à l'heure avec les jeunes, là, ça se développe, est-ce que ça se développe, la conscientisation? Non, le jeune le fait. Plus tu vas donner d'outils aux jeunes, il se conscientisera pas plus, mais ça va être mauditement plus agréable, sa conscientisation. Plus nous discutons entre nous... Disons, mais tu peux pas créer de prise de conscience. Oui, mais plus on discute, non, ça prise... Moi, je ne peux pas te faire prendre conscience. Je peux t'expliquer des mécaniques pour adoucir ta conscientisation. Par exemple, si je te dis que... tout ce que je te dirais, tu le sais déjà, puis ce que je te dis pas, ben, tu comprendras pas, c'est le reste de la soirée. Bon, parce que chose certaine, c'est que ce que tu ne vois pas, tu ne conscientises pas, je ne peux pas te le faire conscientiser. C'est comme, je peux te le faire apprendre, comme on fait souvent. Non? Tu répètes, on te punit, tu peux apprendre. On te lave le cerveau, puis on recommence après. Mais même ceux qui se font laver le cerveau, dans des régimes communistes, dans des régimes socialistes, dans des régimes même capitalistes, ou dans des sectes, ou dans des religions, ou n'importe quoi, même laver le cerveau un jour, l'humain, pouf, il se réveille. Bon, c'est sûr que tu vas se c'est comme le sens de l'odorat. Si tu n'as jamais senti les fraises, ben, tu ignores cette senteur-là. Quand on te passe sous le nez, là, tu le sais. Mais si tu n'as pas le sens de l'odorat, comment on te le met, si tu sens. Exactement. Rien. Alors, mais parce que c'est ça. C'est pas possible. Hey, ça n'est pas pire aussi. que Michel vient de dire là, c'est que la conscientisation, c'est comme le sens de l'odorat. Moi, je vous mets des fraises en dessous du nez, vous n'avez pas le sens de l'odorat, vous ne sentirez jamais fraises. Je ne peux pas vous amener le sens de l'odorat. Mais à un moment donné, l'humain, son malheur, c'est qu'un jour, il se développe le sens de l'odorat. Puis là, c'est sûr que si je passais avec un casseau de fraises en dessous de son nez, c'était quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est évident. Mais je n'ai pas amené. Alors, moi, je serais pour l'idée, n'en parlons pas. Tenons ce mort. Puis vivons ce qu'on a à vivre. Puis mourons. Puis peut-être ressuscitons. Puis peut-être réincarnons-nous. Peut-être n'importe quoi. Mais le problème, à un moment donné, c'est que moi, il n'y a pas qu'un monde sur la planète, qui va en avoir de plus en plus, surtout parmi nos enfants, c'est qu'ils se disent, « Minute! Pourquoi? » À un moment donné, on en souffre. Moi, j'ai pourquoisisé très jeune âge. Alors, à un moment donné, je me trouve des raisons. À travers les raisons qu'on se donne, on finit par arriver à une compréhension vibratoire, la conscientisation, qui nous permet de vivre la transition d'une façon plus agréable. Moi, je ne peux pas accélérer la conscientisation de personne. Je peux l'aider à la rendre plus agréable. On ne peut pas faire plus. La conscientisation, ben, à un moment donné, quand tu commences à te tomber là-dedans, tu es fait aux atomes, tu y vas. Tu as des réminiscences d'évolution, à un moment donné, tu arrêtes un peu, tu ne conscientises plus. Là. C'est pas pire. Mais ça repart. Bon, tu peux tomber dans... ça ne me rend pas, à un moment donné, puis d'un coup, c'est studio, ça arrête. Oh bien. Et un jour ou l'autre, paf, on tombe avec Jonathan Livingston, le gars irlandais. C'est une niaiserie de même, là. Puis là, ça nous remet en question un petit peu. Après, on arrête un peu. Là, on va lire un livre d'un psychologue. Tirez-vous-même les ficelles, par exemple. Un livre génial écrit par un psychologue. Puis là, on commence à se poser des sérieuses questions. Et maintenant, on arrête un petit peu. Et un jour, on tombe sur... Tout est bon, tout est mauvais. Ça dépend du point de vue de l'idée. Mais veux pas, c'est qu'un livre sur Satan va te réveiller. Va te réveiller. Quand tu es réveillé, ça va te faire vibrer. Un livre sur Dieu va te faire vibrer. Un livre sur n'importe quoi va te faire vibrer. À un moment donné, ça va être la politique qui va te faire vibrer. Tu te rends compte que ça n'a pas de sens, telle affaire. La conscientisation, là, c'est un phénomène humain. Et nous, ce qu'on fait, on parle de la conscientisation. Donc, à un moment donné, l'humain y arrive. Et ce n'est pas, oui, mais si on n'en avait pas parlé, ben, il va se suicider, il va se droguer, il va s'en aller, il va péter aux frettes ou il va commencer à parler. Et du monde va se déplacer. La conscientisation, c'est quelque chose qui germe quand l'humain est arrivé à une certaine forme d'apogée dans l'évolution. Les chiens ne viennent pas aux conférences, les oiseaux ne viennent pas aux conférences. Toutes des bonnes unités carbone, pas de problème. Pas leur affaire. Alors, à un moment donné, l'humain se conscientise, puis dans sa conscientisation, c'est récupéré par toutes les lois de l'évolution humaine qui viennent l'interdire de bouger. Pour arriver à se conscientiser, donc appliquer des lois de la conscientisation, puis là, je ne m'attends pas ce soir à ce que personne puisse appliquer les lois de la conscientisation, parce que les lois de l'évolution sont extraordinairement puissantes, mais c'est temps de commencer à en parler, parce qu'à un moment donné, vous allez continuer à avoir des points qui vont se pousser, à un moment donné, vous allez être totalement contre ce que Daniel Kim dit. C'est normal, parce que vous allez être en train de vous identifier à votre conscience. Bon. À un moment donné, vous allez être pour ce que je dis, à un moment donné, vous allez être d'accord avec ce que je dis. C'est bien différent. Hein? Tu peux être pour quelqu'un, tu ne comprends pas, tu es pour. Tu peux être contre, tu ne peux comprendre plus, tu es contre. À un moment donné, tu ne seras pas d'accord, on se respecte, tu vas être d'accord, on se respecte. Parce que dans la conscientisation, le gros de la mécanique, dans les lois, il y a ce qui est simple, n'est jamais compliqué. Première loi de la conscientisation. On pourrait dire deuxième loi, faites confiance à la première, mais on va définir quelques autres. Parce que ça serait même trop simple. L'humain ne peut se conscientiser que s'il est seul. Seul, ça ne veut pas dire pas de famille, là. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas se conscientiser collectivement. On ne peut pas être une gang, on s'en va se conscientiser. La première chose qui va arriver dans la gang qui va se conscientiser, ils vont conscientiser que c'est un collectif en épais. Mais ils vont tous en aller. De toute façon, normalement, dans les grosses manifestations, l'intelligence, ça a l'air d'être inversement proportionnelle au nombre d'individus. Plus il y a de monde, comme après l'affaire de la Coupe Stanley, par exemple, un individu à la fois, j'ai pas l'impression qu'il se passerait des émeutes comme ça, mais un paquet de monde, c'est, l'intelligence n'a pas l'air d'avoir autant accès à un gros groupe en même temps qu'en... Ce qui est important, c'est qu'il y a du monde encore qui disent que l'âge de l'intelligence d'une foule est l'équivalent d'un enfant de 7 ans. Puis ça, il faut éliminer ça. Un enfant de 7 ans, c'est mauditement plus brillant qu'une foule. Mais c'est des visions humaines en condition d'adulte. C'est pour ça que j'aime bien quand tu dis que c'est inversement proportionnel, plutôt que de comparer ça à... Mon enfant de 7 ans, il y a un enfant de 7 ans conseillé à renverser le dos, mettre le feu des victimes, c'est non, mais c'est ça, tu sais. Ou encore, il faut contrôler l'animal qu'on a en soi. Il n'y a pas d'animal qui fait ce qu'on fait. Bon, fait que lâche l'animal en soi. L'ego, OK, vous mettez les noms, les mots que vous voudrez, mais comparez pas ça. Hein. T'es bien un chien. Mais non, le chien est le meilleur ami de l'âme, puis moi, je suis chien. Il devrait être content, tu sais. Donne la patte. Après, il va donner la patte, c'est ça. Petit pied à la patte. Alors, si on regarde tous les phénomènes de la conscientisation, ce qui est important, c'est simple. Dans les lois, on pourrait dire la loi numéro 2, là, ou 2B, tu ne te conscientiseras que seul. Pour arriver à une conscientisation, il faudra que tu sois seul dans ta tête. Ça veut dire que tu ne peux pas te dire, « Ouais, mais es-tu bien que tu penses ça, là? » Non, là, tu es dans une phase évolutionnaire. Tu évolues. Si la masse change, tu changes. Beethoven, c'est beau. C'est une belle musique. Pourquoi? Parce que c'est à la mode. Et deux ans après, c'est Michael Jackson. Tu écoutes du Beethoven, t'es l'arriéré, t'es un épais, c'est laid, t'es écœurant. C'est Michael Jackson qui est bon. Puis deux ans après, ça va être un autre. Puis celui qui écoute Michael Jackson, c'est un arriéré. C'est un rétrograde. Il n'est pas non plus lui là. Mais quelqu'un qui se conscientise, il va aimer Beethoven si Beethoven vibre avec lui. Il va aimer Michael Jackson si Michael Jackson vibre avec lui. Il n'aura rien à faire de savoir ce qu'il vibre avec les autres. Et là, on va dire c'est un marginal. Dans les lois d'évolution humaine, il faut que ce soit collectif. Oui, t'es marginal. T'es anormal. Anormal ne veut pas dire pire. T'es anormal. Ça veut dire que t'es pas comme les autres. T'es naturel. Et comme toi. Puis là, l'humain va avoir de la misère à se garder naturel. Il y a eu une époque où les souliers talons hauts devaient être très, très hauts. Maintenant, ça a baissé. Ça a baissé. Mais quand on voyait les femmes avec les souliers talons hauts, là, très hauts, les femmes disaient, oui, mais c'est parce que, hey, ma grandeur, moi, tu as ces souliers, là. Pouf, moi, quand j'ai vu ma mère descendre sur l'escabeau, à un moment donné, j'en revenais pas. Mais, maman! Puis un jour, je vais sortir ta chambre, là. Maman! C'était presque 6 pouces plus basse. Moi, j'étais pas sûr, moi, là. Je devais te plier les genoux. C'était bizarre, ce cas. Ça m'a passé. Une femme de 5 pieds se dit, ben oui, mais crime, je suis même trop petite. Il me faut que je me mette 4 pouces. 5 pieds et 4. Une femme de 5 pieds et 4 a dit, je suis trop petite. 5 pieds et 8. Une femme de 5 pieds et 8, ben là, a commencé à penser peut-être qu'elle est à bonne grandeur. Aujourd'hui, les femmes ont souvent baissé leur talon. Ça déforme les pieds, ça déforme la colonne vertébrale, c'est dangereux pour la santé, etc., etc. Mais il y a eu une époque où, pour être féminine, il fallait que tu ailles le moins de contact avec le sol. Donc, définition en soulier, là. Oui, en avant, c'était tout petit, les pieds étaient tous embarqués. En arrière, il y avait une petite affaire derrière, là. Talon aiguille. Fait que moi, oui. Puis, une femme me disait à un moment donné, oui, mais ça a l'utilité, c'est quand tu te fais attaquer, tu peux frapper ton adversaire. Je dis, oui, mais quand t'as poussé, par exemple, ben, tes autres, tu cours du pied. Preuve que c'était pas génial. Quand tu es efficace, tu es mi-pied, tu es efficace pour ça. Mais à l'époque, c'était pas féminine sans ça. De plus en plus, on a des souliers. La féminité, c'est pas une question de souliers. C'est pas une question de robe. C'est une question de vibration. Il y a des hommes qui sont de plus en plus féminins. Ils sont pas tapettes, ils sont pas rien de ça. Ils vont aimer les enfants, ils vont aimer les bébés, ils vont... Ils sont féminins. On parle de collectif. Puis c'est une des lois de plus être collectif. Quand une femme tient la main comme ça, pas de problème, hein? Quand c'est un homme, il y a tout un maudit paquet de problèmes. Pourquoi? Quand l'homme ressemble à la femme, c'est si abominable. Ça va voir. Non. Tu fais ton père, tu fais le frère, non? Mais il n'y a pas de problème. C'est parce qu'on ne veut pas voir un corps d'homme faire des mouvements de femme. L'homme, la femme vont devenir de plus en plus androgynes. Pas androgynes, physiquement, on s'en fout. Ce que je veux dire à un moment donné, c'est que ce qu'il y a de beau chez la femme, quand ça commence à se transférer chez le bonhomme, ça devient laid à plus finir. Puis quand tu vois une femme qui joue au baseball, elle a un garçon manqué. C'est pas un garçon manqué, c'est une fille réussie. Bon, mais elle veut jouer au baseball. Conscience. Ça veut dire que quand l'humain commence à se conscientiser, une des lois de la conscientisation, c'est d'accepter d'être seul dans ta tête, peut-être, contre tout le monde. Tu vas pas en croisade contre le monde. Laisse le faire, ils vont venir. Mais accepter que... Inquiète-toi pas, ils vont te trouver. Ouais. Là, tu ne pourras pas convertir, faire ci, faire ça. Tu n'as pas plus raison que personne. Mais tu as raison pour une fois. Tu as raison. Il y a quelqu'un qui a raison pour toi. Ouais. Donc, deuxième voie de la conscientisation, vous allez devoir accepter souvent de ne pas être nombreuses à penser comme vous pensez. Ça veut dire accepter la solitude, le bruit. Et c'est pourquoi, moi, je suggère aux gens d'essayer de faire des amis, de finir par se rencontrer en gens de même vibration. La vibration n'est pas meilleure, elle n'est pas plus... Ça n'a rien à voir. On aime jouer au golf, tout le monde. On est juste 2000 sur la planète. Mais allons pas jouer au golf avec... T'es tout seul avec une gang qui joue au tennis. Même si on joue tout avec une balle, et ça marche pas. Fait, on veut tout chercher. Bon, on peut pas parler de ce que je parle là au temple des Krishna. On est avec les Krishna. On joue au bal tous les deux. Moi, je joue au golf, je joue au tennis, mais on veut trouver, on parle de quelque chose d'autre que des phénomènes matériels. Mais je joue au golf, alors on s'arrange pour aller rencontrer des joueurs de golf. On est marginal. Un jour, si tout le monde joue au golf, on sera normal. Attendez, on sera normal. Troisième loi, tu ne peux pas te conscientiser si tu es tout seul. Peut-être fini la loi numéro 2 avant ça. Non! Mais non, c'est pas 1, 2, 3, 4, là. C'est... Faut toutes les faces ensemble, ça? C'est, ouais, c'est ça, c'est 1,534,567,89. C'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous conscientisez si vous êtes seul spécifiquement, mais vous ne pouvez pas vous conscientiser si vous êtes collectif psychologiquement. Mais la conscientisation, dans les lois de la conscientisation, il y a une loi, pas une loi de principe, mais une loi de mécanique qui va faire en sorte que plus vous allez vous conscientiser, pour ne pas souffrir votre conscientisation, vous devez vous anégoïser. L'anégoïsation, c'est égo. L'égo, an, sans. Alors, anégoïsation ou anégoïque, c'est sans égo. Dans la voie de l'évolution, on parlera d'humilité. Vous devez être humble. Mais parce qu'il y a de l'égo, on est humble puis on s'en rend. Alors, moi, je préfère dire pas d'égo. Si t'as pas d'ego, t'es un. Bon, t'es un, ben, chrétiennement un, on te donne une claque d'en face, parti. Oui. On en a une deuxième, puis là, ça va, rien là. Mais comme l'humain a de l'ego, l'humain, il est humble chrétiennement, par exemple, il va avoir une claque, paf, il dit, hey, ça fait une. J'ai un point aussi. Mais paf, une deuxième, et deux, et l'autre, ah, il est là, en fait, je fais un peu. C'est son humilité. Sauf que si vous n'avez pas d'ego, sans être là, vous, dans vos corps, sans être présent, ça n'a manqué les claques. Tout à l'heure, je disais, dans l'autre conférence, si quelqu'un que je suis, tu ne fais rien. Si vous êtes intelligent, sans ego, vous allez manger une claque. Ça ne vous dérangera pas psychologiquement. La vie ne sera pas noire, merci pour ça. Le gars ou la fille qui donne une deuxième claque, vous allez bloquer où est-ce que vous êtes. Parce que que vous allez prisonner votre corps quand même. Si vous devez vous défendre, vous allez vous défendre. Et si vous devez aller jusqu'à tuer l'individu qui vous attaque, vous allez tuer. Sans la haine. Pas une question de haine, c'est une question de vie. Mais chez l'humain, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'il haïsse. Il faut qu'il haïsse, sans ça, psychologiquement, il ne pourra jamais s'en sortir. C'est pour ça qu'on doit faire en sorte que dans les armées, on haïsse l'ennemi. Il ne faut pas que quelqu'un t'aille pas. Mais bon. Normal, à ce moment-là. Vous ne faites pas vous conscientiser spirituel, ça veut dire ceci. Ça veut dire que dans la structure évolutionnaire, à un moment donné, vous dites, moi, je veux me retrouver, je vais aller me louer un hôtel pendant 2-3 mois plus tard, où je vais trouver un archange au Tibet, je vais rentrer un monastère, me retrouver moi-même. Et là, vous vous conscientisez. Pourquoi? Parce que moi, je suis tout seul en plein désert, là. Je marche, et puis je me dis, je suis le meilleur au monde. Que je veux dire, c'est juste l'ego. Non. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire non? Mais va marcher dans le désert avec ta femme ou ton mari, là. Je suis le meilleur au monde. Voyons! Suite! Fait que là, vous êtes obligé de conscientiser que vous avez un ego. Il y aura toujours quelqu'un pour vous ramasser. Donc, c'est important. La personne ne peut pas se retirer du public. Elle ne peut pas aller s'enfermer. Si elle fait ça, elle ne peut pas se conscientiser. Je suis un être qui a de l'ego, il y a un soutien. C'est souffrant d'avoir de l'ego, mais c'est encore plus souffrant d'en avoir et de le savoir. Mais l'humain, un jour, finit par se rendre compte que pourquoi, bordel, je ne peux pas faire ce que je veux faire? C'est un ego, c'est un ego, il ne t'appartient pas, il est manipulé, il est dans ton corps, il contrôle toute ta structure complète. Bon. Alors, quelque part, je veux dire à quelqu'un, t'es bien laide, t'es bien laide. Je le ramasse à bord, là, puis je dis ça. Et tout est fait. Mais, entre vous et moi, si on prend une loi de la conscientisation, quand c'est simple, c'est compliqué. Tu peux dire ce que tu veux, c'est des mots qui se sont. Premièrement, il dit je suis laid. Peut-être qu'il ne veut pas. Mais non, nous autres, on est là tout de suite, là. T'as-tu regardé? Là, il répond oui, justement. Alors, c'est encore bien pire. Mais là, qu'est-ce qu'on fout là, nous autres? Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Si tu te conscientises, tu ne peux pas fuir. On doit le faire en société. On doit le faire en société, on doit continuer à travailler, continuer à vivre ce qu'on a à faire. Et évidemment, c'est plaisant d'aller jouer au golf ensemble. Fait qu'on finit par se faire des amis ou on finit par se ramasser quelques personnes ensemble. Mais tu ne peux pas faire un ghetto, tu ne peux pas faire une secte, tu ne peux pas faire une amanchure parce que la conscientisation va arrêter net. Imaginons simplement qu'on se met, on est une centaine ici. On se connaît tous, on est tous corrects. Là, on veut se conscientiser, on veut y aller. Là. Fait que là, on s'organise, il n'y a plus que nous autres de bons sur la planète. Puis là, on vient entre nous autres. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver que la journée qu'on pensait qu'on est seul, qu'ils avaient raison, il n'y aura pas personne pour nous dire qu'on est peut-être épais. On va dire, vous êtes d'accord? Si je dis, tout le monde en a raison, sauf feu. Mais non, elle. Ah ben là, on va dire, oh, oh! Mais si on se met tous dans le bateau et qu'on dit, on a tous raison, à un moment donné, on va avoir un ego énorme qui va avoir changé. Un orgueil puis un snobisme énorme qui va avoir changé, une vérité aussi illusoire que les autres qui va avoir changé, puis là-dedans, nous, on ne pourra plus rien voir. Alors, l'humain qui se conscientise doit le faire seul dans sa caboche. Ça veut dire que si tu vibres ça, vibre-le. Ça va changer en temps de l'allant, c'est-à-dire en continuant à vivre, à expérimenter, et tu dois continuer à avoir une vie sociale qui est normale. Ça veut dire que la conscientisation, comme il faut être seul dans sa tête, mais entouré de personnes ou dans le monde, les moines, par exemple, ou les personnes qui se retiraient au Tibet pour aller évoluer, c'est pas l'évolution ne pouvait pas les amener dans à la conscientisation. Comme toutes les parce nations... Parce que tu ne peux pas le mettre en pratique. Tu peux pas... Non. Toutes les nations à régime politico-religieux, il faut se conscientiser. Parce que la tradition vient régir tout ce qui se passe là. Fait que tu n'as pas le droit de péter de travers, tout est codifié, tu n'as pas le droit de penser comme ceci pour te dire, bon, ce sont des sectes nationales. Tu peux pas. Tu sais, on peut chialer contre énormément de nations sur la planète Terre. Mais tant que tu as la capacité, on va dire, on ne peut pas tout dire, tout ce qu'on veut, il y a toujours un amancheux qui arrive à un moment donné. Mais on est quand même aussi nommé au Québec, aux États-Unis, en Europe, il y a bien des places qui semblent allure. Parce que veut pas, c'est souffrant, mais Christy, au moins, on avance. Tandis que là-bas, ils vont souffrir plus tard. Là, ils n'avancent pas, puis ils souffrent, mais c'est moins pire. Nous, dans certains pays, on pourrait pas vivre là, on est trop conscient. Eux, ça va. La conscience est ajustée à l'état national. Est-ce que l'application de ce qu'on a, pas de ce qu'on apprend, mais de ce qu'on voit lorsqu'on a une conscientisette, comme tu disais tantôt, là, si je vois, par exemple, que... pour mon travail de nuit, à ma santé ou à ma vie, puis que c'est la conscience qui me le fait voir. Si je l'applique pas à ce que j'ai vu, est-ce que là, je tombe dans l'involution? Non. Ou est-ce que pour évoluer, pour me conscientiser, il faut vraiment que j'applique ce que j'ai eu comme information? Non. Quand on conscientise quelque chose, puis qu'on n'applique pas la mécanique qui devrait nous permettre de faciliter notre vie, la résultat, c'est la souffrance. Accentué. On va souffrir un peu plus. Mais là, c'est pas parce qu'on veut te punir. C'est sûr qu'il y a des policiers, des lois d'évolution humaine qui vont venir te harceler. Culpabilité ou un paquet de mécaniques. Parce que tu conscientises les choses. Mais l'autre affaire, c'est que tu vas être en dissonance cognitive avec toi-même ou tu vas te rendre compte finalement qu'il y a toi en haut puis qu'il y a ce qui contrôle ta vie, ce qui contrôle ton corps en bas. Et là, ça devient un peu souffrant parce que si tu ne comprends pas les mécaniques qui régissent l'humain, tu vas te culpabiliser, tu vas avoir honte de toi, tu vas te médiocriser, tu vas penser que tu es trop faible, que tu es un raté, que tu es un perdant. En tout cas, il y a énormément de choses. Alors, et ça peut faire en sorte que tu vas faire des choix dans ta vie en fonction de tes besoins. Tu peux très bien laisser ton emploi, alors ce n'est pas nécessairement le temps. Il faut, à un moment donné, changer d'emploi, probablement, pour plusieurs. Mais il faut que ça se fasse d'une façon qui est structurée, qui est logique, qui est intelligente, parce qu'on vit quand même au 20e siècle dans une société où tu as besoin de finances, de faire des échanges avec le monde. Par contre, ce qui peut arriver aussi, c'est que tu vas essayer d'omnibuler ta conscience. Alors, tu vas commencer à prendre de l'alcool parce que la société est pourrite ou ton patron est un imbécile, etc. Donc, tu vas prendre des altérants de conscience, tu vas abîmer ton corps physique pour altérer. Tu peux manger plus, manger plus mal, tu peux prendre des drogues. Tu peux aussi entrer dans une religion pour te manipuler. Les religions sont bonnes. Ça dépend de qui a besoin de quoi. Toutes les nourritures sont bonnes. Mais il y en a que la moutarde, ça ne fait pas. D'autres, la moutarde, ça peut être curatif. Ce n'est pas un problème. Mais toi, tu vas probablement là être un danger. C'est-à-dire que tu es un poids facile pour... les structures anti-évolution. Si tu rentres chez les Krishnas, il y a du monde qui ont été très, très, très bien aidés par les Krishnas. Il y a du monde qui ont subi un calvaire. Tu rentres, il y a énormément. La majorité des sectes ou des religions sont positives. Il y a des sectes négatives qui sont problématiques. Bon, il y en a. Il y a des religions qui sont problématiques. Mais il y a des endroits, il y a des religions, des sectes, des centres de conscience personnelle. Des psychologues, des scientifiques, il y a des humains, des voisins qui peuvent t'aider. Mais normalement, quand tu es dans cet état-là, tu deviens une proie pour... On va régir ton déplacement pour que tu te retrouves dans un endroit où on va omnibuler ta conscience. Puis comme tu es déjà en souffrance de conscientisation, on va dire que tu es en recherche. Tu n'es pas en recherche. Les gars ne recherchent rien. Vous venez de prendre conscience d'une affaire que vous ne cherchiez pas du tout. Pas en recherche. Tu es en recherche d'oublier. Parce que la conscience, tu ne décides pas de la conscience de quelque chose. On ne te l'amène pas, on ne te la vole pas, on ne te l'ôte pas. Tu n'appartiens pas au contrôle de l'humain, tu deviens conscient. Mais là, tu es en recherche de quoi? On va dire, je suis en recherche d'évolution, de ce pas vrai, tu es en recherche d'omnibulation de conscience. Fait que la Bible peut t'omnibuler alors qu'avant sauver un autre. La Bhagavad Gita peut t'omnibuler avant sauver un autre. ou la secte, de ce que vous voudrez, peut omnibuler, elle peut en sauver d'autres. Bon, toi, tu vas te ramasser là où on va t'omnibuler. Une personne peut même venir à une conférence de Daniel Kemp pour se faire omnibuler. Je ne l'omnibule pas, c'est parce que je dis qu'il est dangereux, c'est que les gens comprennent. Comprenez-vous ça? Une personne qui est en train de comprendre quelque chose, elle vient, elle peut venir même à une conférence de Daniel Kemp pour se faire omnibuler. Alors que la majorité viennent pas pour ça. Et la majorité qui rentre chez Krishna, là, il y en a qui vont réellement gagner quelque chose, ou ils vont rentrer chez les Mormons, ou chez les Témoins de Jéhovah, ou même chez les chrétiens, chez les catholiques, ils vont gagner quelque chose. Il y en a d'autres qui vont perdre quelque chose là-dedans. Bon, tu ne poursuivras pas l'Église catholique, c'est magnifique. On suit la scientologie à place, on suit, bon. L'humain doit être entouré d'individus pour qu'on puisse toujours, pour que lui puisse toujours se garantir qu'il n'est pas en train de savoir lui-même de se récupérer. Alors, il y a une des choses que je dis souvent aux séminaristes, tant qu'on va pouvoir se parler, il n'y a pas de problème. Quand on ne pourra plus se parler, il y aura un problème. Puis quand je dis « on », ce n'est pas un séminariste, c'est moi. Un séminariste et un autre séminariste, là, ou deux, trois, quatre, cinq séminaristes, ou toi ou l'autre, ou quelqu'un de brillant. Là. Il y en a plein qui ne sont pas séminaristes, qui sont brillants. Quand tu rencontres quelqu'un qui est brillant, que tu suis, tu sais, ça va ensemble. À un moment donné, la personne qui est brillante, là, qu'elle vienne du Bangladesh ou n'importe où, on s'en fout, à un moment donné, elle dit, écoute, relaxe un peu, là, semble, tu t'emportes pour rien. Si vous l'aimez, si vous la vibrez correctement, bien, quand elle vous dit ça, là, pensez que peut-être il y a quelque chose. Croyez pas ce qu'elle dit. Vérifiez. D'un coup, il y a une deuxième personne qui vous dit la même chose, puis c'est un autre que vous considérez brillant. Et là, c'est le temps d'écouter. Donc, tant qu'on peut se parler entre gens qui ont un peu de conscience, ça va. Mais quand vous commencez à dire, « Oh, ben là, tu vois, je pense que... » Là, vous êtes en train d'avoir un ego, vous êtes en train de vous refermer, vous êtes en train de refuser d'être avec autrui. Puis là, c'est dangereux. La troisième loi de la conscientisation, c'est d'être avec des gens. Mais d'avoir une conscience individuelle, c'est la deuxième loi. À date, les trois lois que tu as nommées, là, de la conscientisation, sont applicables. Puis on peut les faire. Oh oui, les autres lois ne sont pas applicables. Oui, mais c'est curieux que les lois qui mènent au bonheur, c'est pas applicable. Les lois de l'homme ancien, les lois de l'évolution, c'est pas applicable. Puis que ces lois-là sont applicables. Les lois d'évolution sont très applicables. Sont applicables, mais ils sont applicables au maximum. Mais en fait, ça, toute la vie ne réussit pas. Tout le monde fait ça. C'est très applicable. Ils sont appliqués aussi. C'est très applicable. Tu devras tout faire pour être heureux, mais tu n'as pas le droit de réussir. Si tu arrives à réussir, on te tape dedans tout de suite. Il va t'arriver plein de cochonneries. C'est très applicable. Ils sont applicables, mais ils mènent à rien. Oui, mais c'est le fondement même de ces lois-là. Faut que tu marches sur le tapis roulant. C'est ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui mène à quelque chose. Là, ce que tu parles, justement, c'est les trois lois. Les lois de l'évolution te mènent à en avoir ras-le-bol. Ça te mène à la conscience. Avoir le goût de changer de tapis. Pas avoir le goût d'être pogné à changer de tapis. Pas avoir le goût, t'as pas le choix. Il y a personne qui se conscientise parce qu'il y a le goût. Mais la transition, justement... Tu te fais éjecter. T'es pris à changer, mais tu changes de reculons, tu sais. Moi, je connais plein de monde, là, que quand on va visiter leur maison, là, ils ont un nouveau tapis. Il faut voir dans le cabanon en arrière, ils ont le vieux tapis. Ils ont une nouvelle automobile. Il faut voir en arrière de la grange, ils ont les 8 automobiles qu'ils ont eu avant. Ils sont tous sur le toit, sont tous, ils ont des modèles qui se font plus. Regarde les pièces, moi, quoi, qu'un jour, il y en a acheté un autre neuf, tu sais. Ça se fait plus. Puis, il y a plein de gens qui vont conserver. Ça, c'est la première couche de coton que j'ai eue, que j'ai mis à mon enfant. Ah, penses-tu qu'elle va être utile quand tu vas avoir 82 ans? Tu la gardes pourquoi? Ça, c'est ses premiers cheveux. Penses-tu les remettre un jour? Ta mère, elle ne l'a pas gardée, toi, hein? Oui, ma mère, elle l'a gardée. C'est pour ça que je ne l'ai pas. Elle l'a gardée plein. Des petits blonds frisés, là, toutes les mains en ont un petit peu de petits blonds frisés. Je pense que tout était blond 5 minutes. Moi. Tu n'as pas été blond 5 minutes? Non, c'est pas vrai. Il était blond quand il était petit. Je suis né chaud, je vais mourir chaud. Toi, tu me devances un peu. Toi, là. Il paraît que l'homme nouveau va être chaud. Fait que, tu vois, on travaille. Non, mais ça, il faut bien se donner des raisons. On perd nos cheveux, il faut bien qu'ils lèvent en terre à quelque part. Alors, ceux qui ont des cheveux sur la tête, là... moins de choses. Moi, j'avais su que Dieu viendrait me chercher par la couette. Ah, mais c'est les Krishna. Comme c'est sérieux, ils se gardent une couette parce que Krishna va les sortir de... Non, c'est quand sérieux, c'est l'idée. Moi, j'ai rien contre, écoutez... Non, savez-vous pourquoi on rit de ces choses-là? On rit parce qu'on a peur, quelque part, que ce soit vrai. Fait qu'on rit pour que ce soit faux. C'est nous de même. Bon, voilà 25 ans, on disait, moi, quand t'as une farce drôle, là. C'était un gars qui rentre tout nu, tout le monde se marie. Et aujourd'hui, tout nu, oui, OK, là, on a la farce, là, tu sais. Mais avant, il est tout nu. Tout pour rire. On est bizarre, on est humains. Quatrième loi de la conscientisation. Pour faire ça facile, faire ça simple, pour s'amuser, pour rire. Ben, comme là, on parle de choses très importantes, on s'amuse, mais c'est normal. L'humain est bâti pour rire. Pas juste pour pleurer. Broyer. Pleurer, c'est bon. Rire, c'est bon. Broyer, c'est autre chose. Mais l'humain, évidemment, vu que rire, c'est bon, il faut faire attention. Tu sais, on va dire, t'as bête, tu fais de l'esprit. C'est comme si c'était drôle. Ben oui, c'est ça, je suis connecté à de l'esprit. C'est pour ça que je suis drôle. Vous riez pas, toi. Ça a marché. Comme quoi, c'est jamais arrivé à 14 ans d'attente. Ça n'est pas des publics. Quatrième loi de la conscientisation dans les lois qui sont applicables, mais qu'il faut comprendre et qu'il faut appliquer. Puis quand je parle de ces lois-là, je ne dis pas que c'est des lois là, que j'établis, que vous devez faire ça. C'est pour ça que je vous dis. On parle encore de lois qui sont d'ordre naturel, c'est-à-dire en réalité ce sont des mécaniques, on pourrait mettre n'importe quel mot là-dessus. Ça veut dire que si vous voulez ça facile, faites pas ça compliqué. C'est une loi. On a bien quelqu'un qui vous dit ça. C'est une constatation. Dans la conscientisation, si on veut faire ça facile, il faut cesser d'être en dissonance avec ce que le public pense et ce que nous pensons. La conscience se développe seule. C'est une constatation. Alors, vous conscientisez quelque chose, là, vous allez voir quelqu'un que vous aimez bien, vous allez y en parler. Je ne comprends rien. Ce n'est pas une question, vous n'avez pas appris. Vous n'avez pas compris. Mais conscientisez. Si vous le répétez souvent, il va finir par apprendre. Il ne faut pas le répéter. Si vous le répétez encore plus, il va finir par comprendre. Et vous allez être capable de l'appliquer partout dans votre vie. Et pas lui, il va l'appliquer uniquement dans ce que vous lui avez appris, dans ce qu'il a compris. Par exemple, quelqu'un qui aime ne déteste pas. On dit souhait. Alors, s'il y a une seule chose sur la planète que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas de coup. Bon, une minute. On ne peut pas aimer plus quelqu'un qu'un autre. Je ne peux pas gérer l'amour. Parce que si je l'aime plus, c'est que je le déteste moins. Je déteste plus l'autre, je l'aime moins. Alors, quand on continue, c'est bon, mais l'humain, il va tout jouer là-dedans, lui. Quatrième loi de la conscientisation, là, je devais un bon paquet, là, il faut que j'en trouve une qui est applicable, parce qu'il n'y a même pas d'ordre là-dedans, là. C'est des mécaniques. Tu sais, si tu veux planter une graine pour qu'elle pousse, il faut que tu la plantes dans une terre qui va pour elle, c'est une loi. C'est pas des juges qui ont légiféré là-dessus, là. Personne ne va vous condamner si vous ne le faites pas. Elle pousse au bout, là. On doit l'arroser, on doit mettre la graine à l'endroit pour qu'elle pousse par en bas. Non, ça, l'humain n'est tellement pas capable. La nature s'est organisée pour qu'elle revienne devant tout seul et qu'elle pousse par en haut. Faites-nous-en pas pour ça. Quatrième loi de la conscientisation, l'humain doit être transparent avec l'humain. Donc, on va dire, oui, mais aussi avec les autres. Non, laissez faire les autres. Transparent avec vous-même. Quoi que on va dire, c'est la cinquième. La quatrième loi de la conscientisation. Tu ne peux pas être transparent avec les autres si tu ne l'es pas déjà avec toi. Oui, tu l'es nécessairement avec les autres, tu l'es toi-même. Donc, ça ne vaut pas la peine justement d'en parler, c'est ça. Cinquième loi. Non, mais c'est ce que je vous le dis. C'est quand c'est simple, c'est pas compliqué. Faut que tu sois bon avec toi. Oui, mais aussi avec les autres. Non! Quand tu es bon avec toi, puis que tu es heureux, puis que tu es correct, tu as nécessairement été un rayon pour les autres. C'est évident. Bon. Ah, mais là, donc, on va mettre ça à cinquième. La quatrième loi, ça va être ceci. Quand vous vous conscientisez, ne regardez jamais autour de vous ce que ça fait. Parce que sans ça, vous allez vous conscientiser quand même, parce que vous ne le contrôlez pas. Vous qu'elle est toujours en dissonance, elle est en souffrance, elle est en vieillissement, elle est en maladie, elle est en problème. Mais qu'est-ce que tu veux dire dans regarder alentour de nous, qu'est-ce que ça fait? De ne pas regarder. Moi, c'est ça. Mais regarder, par exemple, si ta famille... Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas regarder? Ça veut dire que tu te conscientises, puis tu ne dois pas mettre sur tes épaules le fait que l'autre se met à souffrir. Les conséquences de ton changement. Les conséquences de ta conscientisation ne sont pas... t'en es pas tributaire, c'est pas de ta faute. Oui, mais ça, on pourrait dire que c'est anti-écologique. Non. Si tu ne tiens pas compte de l'environnement, si tu ne tiens pas compte des autres dans ce que tu fais. C'est pas ça que j'ai dit non plus, j'ai dit on pourrait dire. Ah! Tu fais des cours du soir. Ça pourrait être interprété comme. Oui. Exact. Alors clarifié. Mais vu que c'est pour ça que j'ai dit, ça peut être interprété comme. On doit être détaché de l'extérieur sans s'en foutre. Mais au niveau de la conscientisation, quand tu conscientises quelque chose et tu rends l'autre malheureux, tu dis mais arrêtez de me conscientiser pour un mois ou deux. Tu vas continuer de conscientiser quand même. Alors, cesse de regarder les faits extérieurs, ça va nécessairement créer des mouvements extérieurs. C'est pas de ta faute. Ça te regarde pas. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Fait qu'il faut que tu dégages ça. La 4 alinéa B. Mais je. Dans l'expression. Ce que tu vas faire avec ta conscientisation au niveau de ta vie 20e siècle, arrange-toi pour toujours être esthétique. Mais, là, ça vient défaire celle-là, non? Oui, puis mais j'aimerais m'en rajouter une qui va défaire celle-là maintenant. C'est que tu dois te respecter toi avant quiconque. Fait que si ça se respectait. Appliquer, disons, si, pour ouais, c'est ça. Ouais. Si c'est appliqué, cette dernière loi-là, nécessairement, tu peux après ça modifier ton attitude, ton comportement. Oui. Ou il y a des dangers. Les personnes, par exemple, qui m'aimeront pas à un moment donné, ou les personnes qui ont parlé contre moi, vont dire, justement, c'est des phrases comme ça qui vont virer le bord. Tu dois te respecter avant quiconque. Bon, mais ça fait des études de société, ça. C'est des thèmes de danger public. Non. Parce que celui qui veut que tu le respectes avant que tu te respectes, bien, il te respecte déjà pas. Fait qu'il applique déjà ce que je viens de dire. Mais il ne fait pas écologique. J'en viens encore toujours et toujours sur le même maudit phénomène. Une personne qui ne se respecte pas, premièrement, respecte personne. Pas respecte autrui. Donc, tout le monde est malheureux, puis elle aussi. Une personne qui se respecte, les autres vont être malheureux, mais ils le sont déjà, c'est leur nature. Ils ne se respectent pas eux-mêmes, ils vivent un paquet de collusions au niveau de l'astral, mais au moins, maintenant, on va commencer à être correct. Par exemple, le parent qui veut respecter ses enfants avant de se respecter lui, il va se faire charrier à finir. Et s'il se respecte avant ses enfants, est-ce qu'il va commencer à taper ses enfants? Mais non, c'est pas ça que j'ai dit. Ça veut dire qu'à un moment donné, il se respecte lui, il va appliquer des choses esthétiques. Il n'y a plus de souliers, on va y acheter des souliers. J'achète des souliers, ça en va, il revient, plus de souliers. Il va marcher le pied. Tu t'écris, mais là, il ne faut pas exagérer, il s'est fait voler. On va y en acheter d'autres, un autre père. Mais il est allé jouer dans le bureau avec, il les a perdus. Écoute, à un moment donné, il faut que ça cesse. Mais parce que nous avons, par la loi d'évolution humaine, avons été régis, réglementés, puis orchestrés, puis organisés, programmés, à jamais nous aimer, à jamais nous respecter, et tu peux. À toujours faire ça autrui, bien, moi, vous donner l'amour que vous n'avez pas besoin, vous allez me donner l'amour que je n'ai pas besoin, on va être correct. Alors, si vous vous donnez votre propre amour, vous allez être satisfait, moi, me donner la mienne, mais être satisfait. Comme on va tous être heureux, tout le monde, on va être tous satisfaits, on va avoir une très belle société. Si quelqu'un tombe sur la rue et se casse une jambe, on va aller l'aider. Pourquoi? Parce que c'est intelligent, c'est logique, c'est esthétique. Pas parce que je souffre de voir la pauvre personne sur le trottoir. C'est dangereux. La journée où je ne souffre pas, je la laisse là. C'est ce qui arrive. C'est une personne, c'est un Portugais qui est tombé. Puis vous êtes allergique au Portugais. Ben, je suis moi, hein? Elle est tombée sur la glace. Portugais, elle a dit la glace, la bague est restée là. Bon, elle est réglée. Mais si vous êtes esthétique, si vous respectez vous-même, nécessairement une société où les gens tombent pour aller sur Terre, ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas touché émotivement. Vous êtes touché dans votre intelligence. C'est sûr qu'on va l'aider. Pour en revenir au changement de tête bien vite. Si on est ici, là, c'est, on parle de ça, c'est parce qu'on a l'impression qu'il y a quoi qui peut être fait pour, qu'il y ait un, pour changer là, de l'évolution à la conscientisation. Il faut dans que ça devienne monde... facile, il faut que ça devienne agréable, il faut que l'humain cesse de toujours être pogné dans souffrance, dans dissonance, puis dans « je ne sais pas ce que j'ai bien fait, puis m'as-tu fait ça? Puis... » J'ai une question, mais c'est pas une question. Il faut claire. Cesser d'être debout à l'ONU, d'être pogné entre deux feux. Ben c'est ça. Mais on essaie de faire la paix entre la conscience et l'évolution. Mais la conscience, là, on s'entend pour dire qu'on ne la commande pas, on ne la dirige pas, ça vient. Puis même si tu veux arrêter, tu ne peux pas retenir ça. Tu fais une prise de conscience, tu en fais une, ça finit là. Sauf que quand tu es dans l'évolution, tu veux traverser de l'autre côté, tu veux voir des choses, tu ne sais pas quoi, mais tu veux comprendre, tu veux que les affaires soient claires. Tu n'arrives pas à traverser parce que de toute façon, ça, si tu décideras pas rien de ça, ça va venir comme ça viendra. Mais probable, parce que là, c'est contradictoire. Sauf que moi, ce que je pense, il doit y avoir des prédispositions pour arriver à changer de côté. Puis, bon. Hey, si c'est oui, là, c'est quoi? OK. Oui, des prédispositions, mais ça, il ne faut pas en parler pour le 20e siècle, les tabous. OK? Alors, ça ne vaut pas faire de savoir si c'est des prédispositions ou pas. Ben, moi, je ne veux pas dire qu'on a quelque chose, là. Je veux dire, appliquer quelque chose. L'humain qui être dans un état, se préparer. Mais pour faciliter sa transition. La transition, là, c'est pas long. Transiter entre l'ère ancienne puis l'ère nouvelle. Puis quand je parle d'ère nouvelle, moi, c'est nouveau par sa forme, pas nouveau par la date. Okay? Je m'attends pas, moi, l'ère du Verseau, l'an 2000, là, c'est pas une ère nouvelle. Le Verseau, là, on va verser dans ce qu'on a déjà fait. C'est pas bon. Une ère nouvelle ou un être nouveau, c'est nouveau, il va faire peur aux autres. C'est nouveau. Bon. Amélioré. Oui. Nouveau et amélioré. Formule. Chaud. Pour que l'humain puisse transiter facilement, la transition n'est pas longue, c'est une question normalement d'une vie ou deux. C'est pas long, ça varie entre 50 et 200, 250 ans. Bon. Fait que normalement, ça se fait assez vite. Pour que l'humain puisse transiter, on parle de transition complète, là. Là, vous êtes assis sur des chaises, mais une fois transité, vous allez traverser des murs. Parce que vous allez arriver à aller vite pas mal. Quand je parle d'adoucir la transition, ça, on peut le faire. Adoucir la transition, ben, il y a des mécaniques que la personne transitive, donc qui est pris entre les deux, l'ONU, les ONU de l'humanité, ils peuvent faire. T'es entre deux feux, il y a un côté qui veut la paix, l'autre côté, ils veulent rien savoir, ils sont même pas conscients qu'ils sont en guerre, ils sont en purge religieuse, ou ce que vous voudrez, là. Fait qu'ils lancent des bombes sans arrêt là-bas. Fait que nous autres, on est entre les deux, puis ça, c'est notre monde à nous, ça, là, on aimerait avoir un monde qui est pacifique, mais eux autres sont convaincus que la paix, c'est l'élimination du camp de gauche, puis eux autres, ils se disent, écoute, on veut bien faire ce qu'on peut faire, mais pour l'instant, on ne peut pas rien faire. Et vous aimeriez que tout le monde soit en paix. C'est l'ONU. Mais pendant la période de transition, où à un moment donné, progressivement, l'ONU, ce qu'elle va faire, elle va bâtir un mur là, pour que ce but ne traverse plus, puis elle va s'en aller du côté des Pacifiques. Elle va laisser faire le côté des belligérants. Elle n'ira pas le casser la gueule, elle n'ira pas les battre non plus, et un jour, ils comprendront. Puis ça ne nous regarde pas. Ils comprendront pareil, un jour. L'humain, il doit, s'il comprend les lois, ce que j'amène là, ce qui sont des mécaniques, il peut faciliter cette transition. Être transparent avec soi-même, ça veut dire qu'on doit cesser de se mentir. Krishnamurti, à un moment donné, avait expliqué à une panoplie d'universitaires que l'homme doit faire la différence et la nuance entre ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. C'est déjà un bon point de fait. Est-ce que Dieu existe? Le sais-tu ou si tu le sais pas? Aucune idée. Tu le sais pas. Bon. Crois-tu en Dieu? Dis oui. Crois-tu en Dieu? Oui. Au cas, je ne vais pas me ramasser avec un intervieweur qui. Non, ça ne marche pas. Oui, oui, oui. Bon. Tu crois en Dieu. Crois-tu sincèrement en Dieu? Dis oui, là, oui. Il faut que je dise aussi, là. Si tu vas emmener, ben bon, mais oui. Bon. Et est-ce que tu sais que Dieu existe ou si tu ne le sais pas? Mais la personne qui croit va dire « je sais qu'il existe ». Parce qu'elle pense que le fait de dire qu'elle le sait est sine qua non, c'est obligatoire pour qu'elle puisse continuer à croire. Mais moi, je peux croire en une chose et savoir que je ne sais pas si c'est vrai. Mais je crois que c'est vrai parce que ce concept m'arrange. Je ne suis pas en dissonance cognitive, je ne suis pas en contradiction. Bon, est-ce que tu sais si la réincarnation existe? Non. Bon, est-ce que tu crois à la réincarnation? Oui. Il faut le pousser, là. Mais l'être qui veut être transparent, si vous voulez ne pas souffrir, comptez-vous pas des pires. Vous avez le droit de croire à la réincarnation ou de croire en Dieu. Il n'y a pas de problème là-dedans. Pourquoi il croit à la réincarnation? Parce que chaque soir, quand il se couche, ça lui permet de mieux dormir. S'il meurt, je vais regarder. La résurrection, même chose. Le paradis, même chose. Pourquoi qu'on croit à ça? On aurait l'air fou puis folle en maudit. Tu couches puis nerf. Viens vers pas. Tu reviens à l'aller. Mais il doit, vous devez être capable de faire la part entre ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Puis ce que vous ne savez pas ne veut pas dire que c'est faux. Probablement que 99% des choses que j'amène sont fausses. Mais c'est les formes conceptuelles que j'amène sont probablement plus utilisables actuellement pour un paquet de gens que les formes conceptuelles traditionnelles qui sont aussi à 99% fausses. Bon, la Terre est plate. Écoute, tant que tu te promènes d'une ville à l'autre dans ton petit pays, que la Terre soit plate ou ronde ou hexagonale ou pyramidale, on s'en fout bien. Du moins que je tombe pas. À un moment donné, ça coûte cher aller aux Indes. Fait que ça devient pratique qu'elle soit ronde. Alors, certaines personnes ont pensé qu'elle était ronde. Les premiers qui ont pensé ça sont morts crucifiés. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et après ça, jusqu'à Christophe Colomb, lui, on ne l'a pas vu, là, on l'a envoyé promener. C'est vrai. Chance, il est allé. Mais il a découvert les Indes. Les Bahamas. Les Indiens, les Dédains, et tout ça au complet. Bon. Ouais. Puis finalement, c'est pas les Indes, c'est pas grave, ça, là. Sa théorie, c'était que la Terre est ronde, elle mesure tant de lieux, puis que si on part par là, on va arriver aux Indes. C'est probablement ce que Daniel Kemp dit souvent. Une chose aussi insensée. Par contre, Christophe Colomb disait une chose plus sensée que tous ceux qui parlaient à l'époque pour un bon paquet, pas tous ceux. Il y en avait plusieurs qui avaient déjà dit ça aussi, moi j'écoutais pas autant. Lui, il avait l'énergie pour partir en voyage. Il y en a plusieurs qui disaient qu'il était ronde aussi. Mais lui, il avait un discours plus sensé qu'un paquet de discours traditionnels de l'époque. Il disait qu'il était plate. Puis il y avait un abîme sans fond le bout. C'est vrai qu'il y a un abîme sans fond. Il tourne en rond tout le temps, tu sais. Tu tombes, ça n'a jamais arrivé. Alors lui, il est parti en disant, je m'en vais aux Indes. Avec Daniel Kemp, je vous dis, on va aller aux Indes. Peut-être qu'on va dire, on va arriver en Amérique. Pas aux Indes. Il n'a pas menti, Christophe Colomb. Il ne savait pas. Mais ce qu'il avait comme concept, puis ce qu'il a amené, puis les mots qu'il a dit pour convaincre les gens de lui donner ce qu'il fallait pour s'en aller, c'était utile en maudit. Parce que finalement, il avait raison, la Terre est ronde. Il avait tort, c'était pas les Indes. On va le juger sur quoi? Sur l'imbécile qui pensait aller aux Indes ou le génie qui pensait faire le tour de la Terre? Comme on voudra. Être transparent avec soi-même, ça veut dire être capable de vibrer ce que je sais, ce que je ne sais pas. Et ce que je ne sais pas, ça m'est utile, je le prends. Avec Daniel Kemp, on écoute les conférences ou d'autres personnes, il n'y a plein de gens brillants sur la planète. Vous ne le savez pas. Ça fait de l'allure, ça fait du sens, ça permet d'avancer, ça va par là. La meilleure chose à faire, c'est d'observer. Lui, il avait observé qu'un bateau descendait, on le perdait de vue. Et crème, il revenait le même matin, donc il n'était pas tombé, donc c'était rond. Observation. Les Indes, on s'en fout. Ça amène quelque part. Quand c'est simple, c'est pas compliqué. Quand vous aimez, c'est le don. Quand on veut vous aimer, recevez le don. Ça s'en fait donc un peu là. Mais vous donnez ça à quelqu'un, vous aimez un gars, une fille, un enfant, oui, donnez. Vous mais d'un coup, qui va penser que la conscientisation, là, c'est pas gigote. Si on n'y en vient pas, il... Bon, l'humain va tout de toute façon souffrir. Arrangez-vous, l'humain. Les hommes. En tout cas, on va venir, on continuera dans notre conférence, et puis des bonnes soirées, et c'est vous, vous êtes aux insolences de l'année. Bonne semaine.